C'est jeune, c'est seulement nos places que t'es cartonné, habitué à cartonner. Je le dis, MC cartonné par ton mec. Mais le bon cru vient pas de Bordeaux et portel. Respect père comme un papillon bordel. J'amorde Mike et ça fait rep, vu ma chicale. Rime de luxe, cherche pas à copier, c'est de la magica. Et moi j'y calme, rien, j'suis pas d'Arkham. T'arrives d'Arkham, ça pète comme un jeu d'arcade. J'ai d'Arkham, t'es les choses et ça sent d'Arkham. Tu penses être d'Arkham, mais tout ça, mais c'est du Nierka. Dirka, bon, on nous prenait pour des rookies. Joue ta star avec nous et tu verras qui dérouille qui. Compatif comme Rocky, technique comme du foot en salle. T'es galbé comme Rocky, mais ce qui arrive, on te fout en ça. Parmi vous, t'en savent que nos places n'apparaissent pas. L'autoprod est la démerde, comme un PC, la barre espace. Tu dis de la pire espèce, que chaque soir tu dois dishnek. Tu ferais mieux de t'appeler Mickey, rappé pour les films, moi Disney. L'art de la réplique, on me dit ça se voit, ce petit jeu t'es là. Tu m'étonnes, déjà 20 cartes et je viens juste de jeter là. Celui qui veut nous attendre, ouais, c'est génération qui rappe. Mais pas comme ces putains de rappeurs, donc je rappelle, c'est dans nos rues. Il y a trop dis ce qu'on veut, vole pas la face, gros. Nous on dit ce qu'on veut, mec, te vole pas la face. Celui qui veut nous attendre, ouais, c'est génération qui rappe. Mais pas comme ces putains de rappeurs, donc je rappelle, c'est dans nos rues. Il y a trop dis ce qu'on veut, vole pas la face, gros. Nous on dit ce qu'on veut, ouvre les yeux, rien n'est plus pareil. Depuis l'an septembre, quartier fédéral poussé, on est là et on s'étend. Ouvre les yeux et vois, je suis là, c'est ça. On se vêtit comme on peut, même s'il y a pas cette sape. Fais comme tu veux, mais comprends ce qu'il faut comprendre. Alors on est là, on est là, et on sait sur qui s'en prendre. Ouvre les yeux et remarque que cousin grandit. Sûrement que je voudrais ressembler à tous ces bandits. Ouvre les yeux, mec, regarde, c'est pas de la réelle TV. J'ai pas de rêve, car dans le réel j'y vis. J'ai pas besoin de dire que le bonheur des uns fait le malheur des autres. C'est le désordre, c'est une habitude et ça me désordre. Ouvre les yeux, ici y'a pas d'agence touriste. Désolé de t'avouer qu'aujourd'hui les gens se pourrissent et que beaucoup de personnes ont un esprit malsain. Dis que la vérité, même si j'exprime mal ça, mec, te voile pas la face. Celui qui veut nous attendre, on est des générations qui rappe. Mais pas comme ces putains de rappeurs, donc je rappelle, c'est dans nos rues. Y'a trop de disques qu'on veut, vole pas la face, gros. Nous on dit ce qu'on veut, mec, te voile pas la face. Celui qui veut nous attendre, on est des générations qui rappe. Mais pas comme ces putains de rappeurs, donc je rappelle, c'est dans nos rues. Y'a trop de disques qu'on veut, vole pas la face, gros. Nous on dit ce qu'on veut, je me vole pas la face, t'inquiète. Je laisserai personne parler de nos rap, j'gueule de rage et j'assume. Tous les MC paranoïaques, arrête ton rap de mythomane. Moi j'ai cramé que c'est pas ta rythmique. J'suis la merde dans le rap pour que t'es pas dit. Mes putains se battent à rythmique. Qu'est-ce qui se passe alors, man? Des mains, des mecs prennent pour des mains. Moi j'trouve pas ça normal. Ici j'en vois qui se font prendre dans le vrai. Méchant de PD, je me rends compte qu'ici y'a que les PD qui traitent les gens de PD. Dans le rap, j'sais pas ce que t'as cru. Mais c'est qu'on est trop à fond de tous. Dans ce liste, on prend 40. Des putes qui carottes, y'en a 3 fois 12. J'crois sans doute que de mon rap, les mecs dans les embattent. J'nique sa mère, on dira que j'plaisante pas. Pas enlever son bas. Postiché, j'ai un de mes potes avec un coup dans ma j'me dis. Qu'est-ce que j'pourrais dire d'autre? Mis à part que l'ange, moi j'm'édite. La connaissance de ce game est s'battre. Vois pas la face, gros. J'm'en bats les couilles de toutes tes messes basses. Ouais, ouais. 9-4. Bousé. Nierka 94, quartier fédéral.